Les États-Unis ont présenté les excuses de leur spoliation des colis diplomatiques coréens à New York avant de les rendre à notre côté. À ce propos, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 18 aux questions posées par l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il a dit, entre autres, « Il est de notoriété publique que le 16 juin dernier, la délégation coréenne de retour au terme de la réunion des pays intéressés à la Convention sur les droits des handicapés tenue à New York, a été dépourvue de ses colis diplomatiques par la provocation des Américains à l'aéroport Kennedy de New York. Nous l'avons accusé vertement de violation intolérable de la souveraineté et de la pire provocation contre notre République et demandé résolument aux États-Unis les explications et excuses officielles au niveau du gouvernement. » Et lors de la réunion de la Commission des relations de l'ONU avec le pays hôte convoqué à notre initiative, le représentant chypriote à l'ONU, président de la Commission Pristé et autres représentants de nombreux pays comme la Chine, la Russie, Cuba et la Syrie, ont reconnu que cette affaire est une violation de la souveraineté très grave et jamais tolérable. Le département d'État américain a reconnu les erreurs du personnel de la sécurité et espérer comprendre leurs fautes commises à cause de l'instabilité sérieuse de la sécurité de l'intérieur du pays et de la nervosité des agents avant de présenter les excuses officielles au nom du gouvernement américain. En même temps, il a rendu l'ensemble des colis à notre côté. Les États-Unis doivent tirer une leçon requise de cette affaire et veiller aux récidives de violation de la souveraineté des autres pays à l'encontre du droit et des règlements internationaux reconnus.